L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les étoiles ne sont pas des sphères parfaites. Leur rotation sur elles-mêmes produit une force centrifuge qui les aplatit très légèrement au pôle. Or, une équipe d'astrophysiciens vient de réussir à mesurer la rotondité d'une grosse étoile et celle-ci se révèle étonnamment être l'objet astrophysique le plus sphérique jamais mesuré. L'équipe de Laurent Gison de l'université de Göttingen a réussi l'exploit de mesurer le rayon d'une étoile en rotation lente dans ses deux axes avec une très grande précision. Ils ont pour cela exploité une méthode d'astérosismologie qui consiste à étudier les vibrations et oscillations internes d'une étoile via ses infimes variations de luminosité de surface. On en avait déjà parlé ici il y a quelques années dans un billet qui s'appelait « Les étoiles vacillent pour nous dire leur taille ». Vous pouvez retrouver le lien dans ce billet. L'étoile étudiée grâce au télescope Kepler porte le doux nom de Kepler 111-45-123 et se situe à 5000 années-lumière. Alors que le rayon de l'étoile est de 1,5 million de kilomètres, environ deux fois plus grosse que le Soleil, la différence que mesurent Gison et ses collaborateurs entre son rayon équatorial et son rayon polaire ne vaut que 3 km. Cet objet est donc quasi parfaitement rond, avec un delta R sur R égal à 2·10⁻⁶. Pour comparer, notre Soleil, qui a été la première étoile dont la forme a pu être mesurée avec précision, montre un delta R 3 fois plus grand, de l'ordre de 10 km, pour un rayon 2 fois plus petit. Rappelons également que la Terre aussi montre une forme aplatie, encore plus prononcée, avec un delta R de 21 km. Gison et son équipe ont sélectionné cette étoile au départ parce qu'elle montrait des oscillations purement sinusoïdales et a été suivie par Kepler durant 4 ans. Comme différents modes d'oscillation sont sensibles à différentes latitudes au sein d'une étoile, les auteurs de l'étude, qui est publiée dans Science Advances, ont comparé les fréquences des modes d'oscillation typiques des basses latitudes avec d'autres associés aux hautes latitudes. Cette méthode leur a permis d'atteindre les valeurs du rayon dans les deux axes avec une précision inégalée de 1 km seulement. Bien sûr, Kepler 111-45-123 est différente du Soleil par sa vitesse de rotation. Alors que le Soleil tourne sur lui-même en 27 jours, Kepler 111-45-123 le fait 3 fois plus lentement, ce qui a un impact certain sur son aplatissement. Mais ce qui a surpris les astrophysiciens, c'est qu'avec sa vitesse de rotation même réduite, Kepler 111-45-123 devrait être plus aplati que ce qui est observé. Alors pour expliquer sa grande sphéricité, les astrophysiciens proposent alors un mécanisme additionnel sous la forme d'un champ magnétique qui serait présent aux basses latitudes et qui aurait un effet antagoniste à la force centrifuge produite par la rotation. Par cette observation, il semble qu'un nouveau champ soit devenu maintenant accessible, celui de l'étude de la déformation des étoiles associées aux phénomènes magnétiques en lien avec leur rotation. Et elle nous offre en attendant l'objet astrophysique le plus sphérique jamais mesuré. L'article de Laurent Gison et ses collaborateurs s'intitule « Shape of a slowly rotating star measured by asterosismology ». Il est paru dans Science Advances, le volume 2, numéro 11 en date du 16 novembre 2016. Et vous retrouvez le lien toujours en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog ou l'univers des quoi d'ailleurs, hein? Des étoiles en rotation lente. Oui, se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, ainsi que sur podcloud.fr, ainsi que sur Stitcher, et toujours dans les colonnes du blog. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Et salut !